ce que tu veux. Fais pas pleurer tes yeux, ça me passera. Va, ne te retourne pas. Y a des histoires comme ça qui se terminent mal. Je t'aime et je te perds, et soudain c'est l'enfer. Le ciel sans étoiles. Sous la pluie.